plastique en silicium et en carbone. C'est parler comme nous, n'a pas peur de tout. Et casser la gueule à ceux qui pensent qu'il faut chier. Ma copine est une poupée plastique en silicium et en carbone. Elle est toujours d'attaque, il n'a besoin de la recharger. Elle est infectueuse, elle est l'amour comme jamais. Okay.